19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous? Eh bien, j'imagine que ça ne peut qu'aller bien, il fait un temps superbe. Certains d'entre vous sont en vacances, donc tout va pour le mieux. Et puis, bah, si c'est pas le cas, bah, 2 heures de métal vont vous remettre les idées en place, vous enlevez le cérumen qui vous reste au fond des oreilles, et vous niquez quelques neurones au passage, mais ça fait du bien, c'est clair. Donc ce soir, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, des nouveautés, bien sûr. Elles seront au nombre de 4 ce soir. On se fera évidemment aussi bien un hommage à ce grand guitariste et chanteur qui était Gary Moore, qui a disparu il y a un peu plus de, il y a 11 ans exactement maintenant. Ce sera plus tard en fin d'émission, voilà. Et donc un petit survol de l'actualité, donc du métal qui, même si en ce moment on n'a pas beaucoup de concerts à se mettre sous la dent, les sorties discographiques, il y a quand même pas mal de choses de quoi faire. Eh bien, pour commencer, on va se faire un petit peu de rock'n'roll crasseux et on va faire un petit tour du côté de Nice avec le groupe Balls Out. Rien que le nom déjà, on voit que c'est des poètes. Enfin, vous devez connaître parce que ça fait quelques semaines qu'on en passe. De leur EP, malheureusement, qui n'a qu'un seul défaut, il n'y a que 4 titres. Et puis, bah, ce soir, bah, c'est le dernier puisqu'on a déjà passé les 3 autres auparavant. C'est pour dire qu'on avait bien aimé ce mélange de AC/DC, de Motorhead, bien brut, comme on l'aime. Donc, extrait de volume 1, Get Dirty. Bon, espérons que le volume 2 ne tarde pas trop. C'est Big Loud qui ouvre ce soir. We'll be right back. La légende australienne Rose Tattoo avec Black Eyed Bruiser, qui était extrait donc de l'album Blood Brothers sorti en 2008. Juste avant, sorti fin 2021, mais dans le même esprit, rock'n'roll crasseux, c'était donc les Niçois de Balls Out et leur nouvelle EP Volume 1 Get Dirty, et c'était Big Loud qu'on a eu ce soir. Changeons de registre avec le groupe de rock progressif alternatif de Bordeaux, Seven Night Crow, et son nouvel album Icarus. Et ce soir, on va découvrir le morceau Visions, donc là, univers complètement différent. sympa ça, donc les Bordelais de Seven Isle Crow et leur dernier album Icarus, c'était Visions. Je vous avais promis 4 nouveautés, voici la première, donc d'un groupe qui s'appelle That Simple, avec un point d'exclamation au bout. Un groupe français qui vient de sortir donc son premier album le fin janvier, qui s'appelle Bad Monkey. Alors musicalement, c'est très rock, hein, on va dire rock classique plus saxo, assez péchu, on pense beaucoup à d'influences des années 70, un mélange... la bio dit mélange de Velvet Underground, Roxy Music, moi je trouve que, ouais, si on veut, voilà, bref. Le mieux, c'est de se rendre compte par nous-mêmes, n'est-ce pas, avec Selfish. And Wednesday morning, it was my first time with a girl. It's not a question of love, it's not a question of sense. It's just a question of death. Parfois trop précieux. J'ai peur d'être vu comme un fou, moi qui ne rêve. UX, ça c'est extrait de Miximétro, le nouvel album de Miximétrie que je vous ai présenté la semaine dernière, là tout nouveau, tout chaud, première nouveauté de la soirée, That Simple, avec un point d'exclamation et avec son morceau Selfish, extrait donc de son album Bad Monkey. En ce moment j'imagine que, moi, les concerts ça me manque, j'imagine que la même chose pour vous, et le groupe idéal à écouter en concert c'est Nashville Pussy, bien sûr, qu'on a eu l'occasion de voir à Orléans à 4-5 reprises ces 20 dernières années, et ça c'est toujours un bon moment. Enfin bon, en attendant de les revoir sur la route, puisqu'ils devaient venir en France en octobre-novembre, mais ça s'est reporté à la fin de l'année, mais enfin, wait and see. En attendant, on va se régaler avec leur live Eaten Alive, sorti en fin d'année dernière, et on va se faire une version Destroy de Go Motherfucker Go. Yeah! Alors, nous ai-je pas dit que ça allait être Destroy? C'était donc Go Motherfucker Go, et on peut trouver cette version vraiment musclée sur le live Eaten Alive de Najil Poussi, sorti en fin d'année dernière. Passons maintenant à du pur heavy metal années 80. Avec un groupe que je vous ai présenté la semaine dernière, qu'on aurait pu croire vraiment échappé de ce qu'on appelait la New Wave of British Heavy Metal. On aurait pu me vendre ça en me disant un disque qui n'est jamais sorti à l'époque parce que le groupe a splitté ou que la maison de disque n'a pas voulu le sortir et que voilà, un des membres du groupe aurait ressorti ça. J'aurais couru. Mais non, il s'agit bien d'un tout jeune groupe qui apparemment est resté scotché donc sur la musique de cette époque-là. Cet album-là aurait pu sortir entre 83 et 87 sans problème. C'est donc les Californiens de Fortress, c'est leur album Don't Spare the Wicked, où on retrouve vraiment les influences Maiden, Riot, enfin tout ce style. Ben, vous allez pouvoir vraiment découvrir ça sur place tout de suite avec Children of the Night. Séance de retour vers le futur vous était offerte par Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bien évidemment. À l'instant, donc, petit retour dans le temps 1984 avec Queensryche et son majestueux premier album The Warning. C'était Child of Fire. Queensryche, toujours en activité, mais dont on peut dire maintenant depuis une bonne dizaine d'années qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça, bon, ça c'est un constat personnel. Juste avant, par contre, qu'on aurait cru vraiment sortir de cette même époque et pourtant qui est bien actuelle puisque cet album est sorti là au mois de décembre. Les Californiens de Fortress et leur album Don't Spare the Wicked, c'était Children of the Night. Revenons à quelque chose de plus actuel, sorti pareil en fin d'année dernière, le EP des Franciliens de After Us, Breaking the Dark. Et envoyons-nous un petit extrait de ce mélange pop-metal avec Last Goodbye. I'm fondue savoyarde, piste de ski et rock and roll. Bah, c'était donc We Don't Care, groupe originaire de Savoie, et son premier EP Shitty Songs avec le morceau Not Enough. Juste avant We Don't Care, After Us et son EP Breaking the Dark, c'était Last Goodbye. On va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui m'est cher, parce que je peux dire que musicalement j'ai presque grandi avec, je peux pas dire que j'ai appris à marcher avec, mais on va dire, peu s'en faut, enfin musicalement, oui on peut dire ça. C'est le nouvel album de Saxon, la légende britannique, qui vient de sortir donc son 24e album quand même, quelle longévité, quand on pense qu'ils ont sorti leur premier album en 1979 et qu'ils sont toujours là. 70 ans passés, ils nous délivrent encore une prestation... vraiment péchu et tout, bref, le poids des ans ne les atteint pas. Et Saxon, bah, qui quand même, malgré la pandémie, n'a pas perdu de temps, puisque l'année dernière, rappelez-vous, on a eu le droit à cet album sympathique, mais bon, malgré tout qu'il mérite d'exister, Inspirations, où la légende britannique reprenait les morceaux qui leur ont donné envie donc de faire du rock. Entre-temps, l'ami Biff Bifford aussi a fait un projet un petit peu iconoclaste avec son fils qui s'appelait Heavy Water, dont on a passé aussi des extraits dans l'émission. Alors ce nouvel album qui s'appelle Carpe Diem, alors n'attendez pas de grosses surprises, hein, non, Saxon ne s'est pas mis à faire du death metal progressif ou je ne sais trop quoi, non, il est resté fidèle à ses racines, c'est-à-dire du bon hard rock heavy metal ou du heavy rock, enfin bref, au choix. Toujours est-il que Saxon, la dernière fois que j'ai vu sur scène, c'était Marc, en 2018, ils ont nous montré qu'ils avaient toujours une patate d'enfer, j'imagine quand ils retourneront sur scène, ça va le faire. En attendant, on va se contenter de cet album studio qui s'appelle donc Carpe Diem et qui est vraiment... excellent. D'ailleurs, je suis peut-être pas très objectif, mais pour moi, je trouve que depuis les années 90, il n'y a pas eu un mauvais album. Ça, c'est clair. Enfin bref, dans la lignée de Battering Ram et de Thunderbolt, on va s'envoyer un petit truc sympa qui s'appelle Age of Steam. Pourquoi je dis sympa ? Tout l'album est sympa. Voilà, vous avez pu voir l'objectivité de votre animateur préféré quand on parle de Saxon. relève du heavy metal, elle est là évidemment avec les Français de Existence et leur quatrième album Wolf Attack qui est vraiment une pure merveille. C'était Deathbringer, extrait de cet album sorti fin octobre, dont on a passé déjà quand même pas mal d'extraits. Juste avant, bah, les vieux par contre, ils ont pas envie de rendre leur tablier, c'est la preuve. Les vétérans de Saxon nous ont sorti un 24e album vraiment somptueux, comme d'habitude, avec Carpe Diem, et c'était Age of Steam que vous avez pu déguster ce soir. Et c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Allons faire un petit tour au Danemark, retrouver Volbeat et son nouvel album Servant of the Mind. Et je vous invite à déguster Lars Birgitta, un morceau qui n'aurait pas dépareillé sur le Black Album de Metallica. We'll be right back. Lasses Birgitta, extrait donc de Servant of the Mind, le dernier album de Volbeat. Avec ce glas qui est cette pluie froide, moi ça me fait penser au premier Black Sabbath, pas vous. Bah d'ailleurs ça tombe bien parce que ce qui va suivre, eh bien c'est Black Sabbath. Pourquoi Black Sabbath? Eh bien vous savez qu'en ce moment, ben pénurie de concerts oblige, je suis obligé de vous faire que de l'actualité discographique. Et là, comme la semaine dernière, on s'est fait un petit spécial, enfin avec deux titres live de Kiss, Creatures of the Night, parce que dans Rock Hard ils avaient fait un article pour les 40 ans de l'album mythique Creatures of the Night. Ben là c'était un peu pareil dans le Rock Hard du mois dernier et dans celui de ce mois-ci. Il y a un article consacré aux années Tony Martin de Black Sabbath, années 90, époque plutôt qu'en ce moment on fait plutôt passer sous silence parce que c'est pas le moment le plus glorieux, enfin en termes de reconnaissance du public, parce que moi j'ai trouvé que les albums de cette époque-là étaient réussis. D'ailleurs à l'époque je devais être probablement un des seuls à apprécier ces albums, parce que je me souviens que mes amis se moquaient gentiment de moi quand je leur disais que j'avais apprécié le dernier Black Sabbath, voilà, pour vous dire que moi j'aime toutes les périodes, voilà. Et donc, pour ça, on va se revenir donc à cette période un petit peu étrange pour le groupe, les années Tony Martin, le chanteur qui était presque un clone de Ron James Dio, qui il y a très peu de live. Officiellement, il n'existe qu'un seul chose, un seul live enregistré en 94, et qui était à l'époque, c'était une cassette vidéo. Oui, vous vous rappelez, les VHS, ces grosses boîtes noires qu'on mettait dans un magnétoscope, ce qui ressemblait un peu à une sorte de grille-pain géant, quoi. Et c'était un pack VHS avec CD audio qui comprenait donc un concert enregistré donc en 1994 pendant la tournée de l'album Cross Purposes. D'ailleurs, c'était une collection de EMI Sound and Vision. Il y avait un Iron Maiden comme ça, le Maiden England était sorti sous cette version-là aussi. Il y avait un Marillion, trois choses comme ça. Ça devient assez rare maintenant à trouver. Donc, extrait donc de ce coffret qui s'appelle Cross Purposes Live. On va se faire deux petits extraits live. D'ailleurs, un classique de l'époque d'Ozzy Osbourne. Oui. Quoi, vous pourrez juger que Tony Martin se débrouillait pas si mal que ça. Et aussi un morceau de son époque, le fameux Headless Cross. Tout d'abord, Symptom of the Universe, en live en 94.

manquait quand même pas de classe, hein, le line-up de Black Sabbath avec Tony Martin, la preuve. Headless Cross, à l'instant, petit saut de batterie de Bobby Rondinelli et Symptom of the Universe, ça c'était extrait donc d'un coffret VHS CD sorti en 1995, Cross Purposes Live, et pour la petite histoire, pour les archivistes, ces extraits live ont été enregistrés à Londres le 13 avril 1994. Et ils étaient venus nous rendre visite à Paris, à l'Élysée-Montmartre, le 16 avril de cette même année, et bah, j'y étais, voilà. Et je peux vous dire que c'était vraiment fidèle à ce qu'on vient d'entendre à l'instant. La suite, eh bien, va changer complètement de style avec la troisième nouveauté de la soirée. Un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui s'appelle The Verge, et c'est leur troisième album, qui s'appelle Eccentric Girl, tout un programme. Donc c'est du rock atypique, ils existent depuis déjà quelques années. Et pour la petite histoire, c'est quand même pour vous dire que c'est quand même pas des rigolos, puisque Budge, le chanteur, quand même, c'est lui qui avait produit l'album de chanteur Christophe. Ouais, je sais, c'est un registre complètement différent. Le fameux classique, l'album Bella Vicua, et que le guitariste Todd avait joué sur l'album ainsi que sur la tournée qui a suivi. Quand même, pour vous dire que les gars, c'est des pros. Envie de découvrir? Eh bien, le morceau Keep the Head Up, c'est pour vous tout de suite, maintenant. queen, she's the queen. Les fous furieux brésiliens de Tropical Fuzz et le morceau Kiss and Tell, c'était extrait de l'album Your Mom. Juste avant, nouveauté de la semaine venue de Paris, The Verge et leur troisième album Electric Girl, et c'était le morceau Keep the Head Up. Et il est déjà 20h32 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electric Shock, je vous rappelle, c'est tous les mardis entre 19h et 21h, donc on attaque la dernière demi-heure de l'émission. Et pour ça, on va revenir au live de Orange Goblin, Rough and Ready, Live and Loud, pour célébrer leurs 25 ans de carrière. Et on va se faire un blues bien crasseux qui s'appelle Time Traveling Blues, mélange de doom et de blues, voilà ce que ça donne, repris par Orange Goblin. Let's get fucked up. It's called Time Traveling Blues. Come on! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Extrait de Rough and Ready Live and Loud, le dernier live d'Orange Goblin enregistré entre 2016 et 2019. Et ça, c'était un album live sorti pour leurs 25 ans de carrière, vu que le groupe n'a pas pu tourner comme tout le monde. Voilà. Wait and see. Eh bien, je vous avais dit en début d'émission qu'on allait se faire, bah, comme tous les ans, un hommage à ce grand monsieur qui était Gary Moore, guitariste hors pair et excellent chanteur en même temps, qui a disparu, donc, c'était le 6 février 2011. C'est vrai que moi, ça m'a fait un choc. Ça faisait pourtant longtemps que je n'écoutais pas ce qu'il faisait depuis une bonne dizaine d'années, mais je me repassais toujours ses vieux disques avec grand plaisir. Gary Moore, qui a eu une carrière vraiment très riche. Dans les années 70, il a fait un peu de tout, du jazz, de la fusion, du progressif, un peu de hard rock. La décennie des années 80, bah, ça a été vraiment marqué par le hard rock. D'ailleurs, c'est ça qui l'a fait vraiment exploser auprès du grand public. Et en 1990, il a décidé de revenir à ses premières amours adolescentes, c'est-à-dire du blues. Et ça lui a pas mal réussi non plus, parce qu'il a réussi à conserver son public hard, tout en même temps en s'ouvrant à un public beaucoup plus large. Et cet album qui était sorti en 90, qui s'intitule Still Got the Blues, reste encore une belle réussite encore plus de 30 ans après. On va se faire un classique repris par Albert King et plein de bluesmen, c'est le Oh Pretty Woman, repris là par Gary Moore à l'époque. Skin alone, pretty woman. Shapes of Thing, classique donc des Yardbirds, groupe mythique des années 60, repris la part Deep Purple sur son album de reprise Turning to Crime, sorti fin novembre. Bah oui, Deep Purple, bah ils s'ennuient aussi puisqu'ils peuvent pas tourner, donc ils se sont amusés à reprendre de quelques petites douceurs. Bah si vous avez écouté Electric Shock ces dernières semaines, vous devez en avoir connu quelques-unes. Donc là, c'était ce classique des 60s, Shapes of Thing. Juste avant Deep Purple, bah, c'était Gary Moore avec un classique de blues, Oh Pretty Woman, qu'on pouvait trouver sur son album Still Got the Blues, sorti en 1990. Et ça, c'était en hommage donc à ce grand monsieur qui nous a quitté le 6 février 2011. Il y a déjà ça, 11 ans exactement. Tiens, point commun entre Gary Moore et Deep Purple, eh bien, Ian Paice, le batteur de Deep Purple, a joué avec Gary Moore dans les années 80, entre 82 et 84. Le claviériste de Deep Purple, Don Airey, qui est dans le groupe maintenant depuis plus de 20 ans, bah, était aussi dans le groupe sur ce album Still Got the Blues, qu'on vient de se passer sur la tournée qui a suivi. Et le Shapes of Thing également, on peut le trouver dans une version Destroy sur le live We Want More, vraiment que je vous invite aussi à découvrir, qui était sorti 84 ou 85 si mes souvenirs sont bons. Eh bien, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée. C'est pareil, c'est un groupe, un oublié de ce qu'on appelait la NWOBHM, donc New Wave of British Heavy Metal, terme qui regroupait un peu tout et n'importe quoi en 1980. Dont ce groupe un peu qui avait pas grand chose à y foutre, c'est clair, on peut le dire. Ce qu'on appelait la New Wave British Heavy Metal, on a eu beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les élus, ça a été Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, et à un degré moins, Tigers of Pan Tang, Sweet Savage, Samson, Diamond Head. Et sinon, bah, tout le reste sont passés un petit peu aux oubliettes. Ça a été le cas un petit peu de Vardis. Alors, Vardis, c'était un groupe qui existait depuis quelques années déjà, qui pratiquait une sorte de heavy rock, on va dire, une sorte de status quo. Imaginez que Raven aurait joué du status quo quelque part. Et ce groupe-là s'est retrouvé donc mélangé avec tout ça. Il faut dire que bon, pour commencer leur carrière, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de sortir un live vraiment tonitruant qui s'appelait 100 MPH, tout simplement. Et après quelques albums, ils ont splitté les années 80, on va dire, dans la différence la plus totale. En 2014, Steve Zodiac, le seul rescapé, chanteur-guitariste, a décidé de reformer le groupe. Ils ont sorti un album en 2016. Et là, pour leurs 40 ans, ils ont décidé de refaire un live qui a été enregistré le 13 mars 2020, donc juste avant la pandémie. Live qui reprend la quasi-totalité de cet album 100 MPH, plus d'autres morceaux, bien sûr, puisqu'il y a eu plusieurs albums après. La pochette, d'ailleurs, est presque la même, petit clin d'œil oblige. La seule différence, c'est que sur la photo noir et blanc, on y voyait Steve Zodiac avec une tignasse assez longue, que maintenant, le temps a passé, la tignasse est tombée. Par contre, les cheveux qui sont tombés sont retrouvés sur la figure, puisqu'on y le voit avec une petite barbiche, et puis un petit peu d'embonpoint. Enfin, ça, voilà, c'est pourri. On va découvrir ce nouveau live qui s'appelle presque pareil, puisque c'est 100 MPH at 100 Club, le fameux club mythique où les Sex Pistols ont fait leur début. Donc, du pur rock avec Out of the Way. Going to the country, going for a day, going to the country, out of the way. Rock and roll, c'est clair, steaming along et out of the way, c'est guaranteed no overdubs, ça s'entend, hein, et comme leur premier live d'ailleurs sorti il y a 40 ans. Steaming along et out of the way, donc deux extraits de 100 MPH at 100 Club de Vardis, sorti en fin d'année dernière, et ça c'était la dernière nouveauté de la soirée. Il nous reste très peu de temps, mais allez, on va se faire un dernier morceau pour se dire au revoir. Et on va revenir à l'album de Once Upon the End, les Parisiens avec leur premier album The Next Chapter, qu'on vous a passé déjà pas mal d'extraits. D'ailleurs, Once Upon the End, c'est un des groupes à découvrir dans le rock hard du mois. Comme quoi, vous voyez, Electric Shock a toujours une petite longueur d'avance et est toujours au taquet. Extinction sera le dernier morceau. Extinction de Once Upon the End, voilà, c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock pour ce soir. Merci encore une fois d'avoir été fidèle à ce rendez-vous du métal. Eh bien, j'espère vous retrouver la semaine prochaine en pleine forme, prêt à donc à vous décrasser les oreilles. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Salut à tous!